Jean-Marie Sadamito publie aux éditions Jérôme Millon « Les virtuoses et la multitude, aspects sociaux de la controverse entre Augustin et les Pélagiens ». Jean-Marie Sadamito a enseigné l'histoire romaine à l'université Strasbourg II et la patristique à Fribourg, en Suisse. Il est actuellement professeur d'histoire du christianisme antique à la Sorbonne Paris IV. Je suis heureux de l'accueillir ce matin à Foi et Tradition des chrétiens orientaux. Jean-Marie Sadamito, nous sommes à Rome, au tout début du 5e siècle. Augustin d'Hippone a achevé ses confessions et un évêque en cite une prière adressée à Dieu. « Donne ce que tu commandes et commande ce que tu veux. » Pélage, moine réputé, s'élève aussitôt contre cette formule d'Augustin et vous dites que c'est le début d'une controverse qui allait durer une trentaine d'années. Oui, d'une certaine manière, c'est le début, ou disons, c'est un signe précurseur. C'est-à-dire que, de façon emblématique, dans cette dispute, il y a le noyau de la crise pélagienne, en tout cas, de l'enjeu qu'est la définition de la vie chrétienne. Est-ce que Dieu donne tout à l'homme, y compris le bien que l'homme fait ou paraît faire? Est-ce que l'homme a lui-même la possibilité de conquérir la perfection? Donc là se situe un enjeu de cette crise, et il est perceptible dès cette conversation de salon entre lettrés chrétiens au début du 5e siècle. Alors la controverse rebondit lorsque vers 413-414, Démétriade, une jeune fille appartenant à la haute noblesse romaine, décide de prendre le voile des vierges consacrées. Alors la controverse a déjà commencé en fait en 411, puisque en 411 un concile carthaginois a condamné Pélage, en tout cas a condamné un proche de Pélage, Calestius, sans qu'Augustin fût présent. Simplement, cette lettre à Démétriade, cette lettre à une jeune aristocrate qui décide d'embrasser la vocation de la virginité consacrée, cette lettre m'a beaucoup intéressé parce qu'elle me paraît très révélatrice de ces rapports qu'entretient Pélage, maître de perfection, avec l'aristocratie la plus haute du temps et avec la volonté de perfection chrétienne qui existe dans ce milieu. Alors, vous en citez un nombre d'extraits, si vous voulez bien, je vais en lire un. Elle se rappelle en effet, elle se rappelle à juste titre, quelle richesse du monde et quelle gloire elle a dédaigné, à quel plaisir elle a renoncé, quel charme de la vie présente elle a méprisé. C'est pourquoi elle ne s'est pas contentée du genre de vie commun, ordinaire. Noble dans le siècle, elle désire être encore plus noble auprès de Dieu. Elle recherche dans ses mœurs des biens aussi précieux que ceux qu'elle a méprisés. Oui, c'est là une traduction que j'ai donnée, puisqu'il n'y a pas encore de traduction française de cette lettre à Démétriade. C'est là une traduction d'un texte qui me paraît très très important. Nous remarquons à quel point il y a dans ce texte et dans d'autres, dans l'ensemble de cette épître, dans l'ensemble de cette lettre de conseil, à quel point il y a un lien entre l'excellence sociale, entre le très haut niveau de réputation de Démétriade et de sa famille, et puis l'ambition chrétienne de perfection à laquelle elle parvient. Et c'est là l'un des enjeux, de mon point de vue, du point de vue de l'historien de la société, de cette crise pélagienne, c'est-à-dire qu'il y a un discours de Pélage qui m'est apparu, à mesure que je l'étudiais, vraiment très en syntonie avec les valeurs de l'aristocratie romaine de son temps. Ça. Alors, vous continuez à citer Pélage. « Tes ancêtres ont reçu par toute la terre les applaudissements réservés au spectacle. » Je suis intéressé par ce terme de spectacle. « Une foule en liesse a exprimé par l'extraordinaire unanimité de ses acclamations qu'ils avaient bien mérité les insignes des consuls, mais la gloire de ton honneur est beaucoup plus grande, car elle a suscité de la joie dans les cieux, de l'allégresse pour les anges. » Oui, c'est une comparaison. On est un petit peu là face à un tableau avec deux registres, comme l'enterrement du comte d'Orgaz, du Gréco. On a le registre céleste et le registre terrestre. Ce qui m'a frappé, c'est la concordance entre les deux. Il n'y a pas d'opposition entre ce que Dieu peut voir, penser et promettre, et puis la réputation très glorieuse qui est offerte dès ici-bas, dès ce monde terrestre, à l'intéressé. Il y a une concordance entre les deux mondes, entre les deux niveaux de réalité, qui me paraît très très typique d'une pensée de Pélage propre à donner de grandes satisfactions à ceux à qui elle s'adresse. Je crois qu'il vivait dans ce milieu noble romain et qu'il en était donc tout imprégné. Il devait en être imprégné, ou alors il avait une très bonne intuition psychologique de ce qu'il pouvait demander et apporter à ceux qui étaient ses disciples sur le chemin de la perfection chrétienne. Je crois qu'il comprenait très bien à qui il s'adressait et qu'il savait, peut-être mieux que d'autres, trouver les mots justes. Oui. Alors Augustin, à son tour, écrit à la grand-mère et à la mère de Démétriade, et vous en citez un court extrait que voici. « Car il est grand et beau de marquer par la dignité de son nom le cours des temps, combien il est plus grand et plus beau de dépasser celui-ci par la pureté du cœur et du corps. » Et vous insistez sur ce terme « dépasser ». Oui, je parle de dépassement parce que, en apparence, nous avons affaire là à une rhétorique chrétienne de part et d'autre. Je veux dire, chez Pélage et chez Augustin également. Simplement, ce qui me frappe, c'est que dans le texte de Pélage, nous avons une concordance, nous avons une parfaite superposition de ce qui se passe dans le monde humain et de ce qui se passe du point de vue de Dieu. Or, Augustin souligne, lui, plutôt le dépassement, et dans d'autres textes, il souligne les contradictions. C'est-à-dire qu'il peut y avoir conflictualité entre l'exigence chrétienne et les valeurs sociales, alors que Pélage déploie toute une rhétorique, et c'est sans doute plus une rhétorique, c'est une pensée, qui voit une continuité et une harmonie entre la bonne éducation aristocratique donnée par sa mère et sa grand-mère à la jeune Démétriade et la vocation de celle-ci pour la virginité. Oui. Alors que Pélage écrit combien est admirable d'avoir dédaigné la gloire, la richesse, etc., Augustin lui défend aux ascètes, il illustre origine, bien entendu, les nobles, les ascètes nobles, de se vanter de tout ce qu'ils ont abandonné. Il y a là une grande contradiction. Oui, c'est très typique d'Augustin. C'est-à-dire que nous avons, dans la pensée d'Augustin, constamment l'idée que l'homme doit tout à Dieu. Or, ça, c'est, on pourrait dire, de la théologie, c'est purement théorique, mais il est intéressant de constater qu'Augustin met cela en pratique lorsqu'il écrit, par exemple, à des femmes ou des hommes très haut placés qui vont vers la perfection chrétienne. Il ne les flatte pas du tout et il leur rappelle, quitte éventuellement à les gêner un petit peu, que tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils feront leur vient de la grâce de Dieu. Et je crois qu'il y a là une pointe très forte de la pensée d'Augustin, il refuse l'autosatisfaction, alors qu'il me semble que Pélage lui-même, comme directeur spirituel, est quelqu'un qui encourage, sans doute avec une certaine habileté, l'autosatisfaction du chrétien. Oui. Augustin demande même à ceux à qui il s'adresse, ces nobles qui choisissent de devenir des ascètes, de ne pas sous-estimer ceux qui n'ont laissé derrière eux que des biens modestes. Oui, et sans doute les nobles ne sont-ils pas les seuls à sous-estimer ceux qui, partis d'un milieu modeste, vont vers la perfection ascétique. Parce que, sans doute, dans le peuple chrétien, on a tendance à sous-estimer ceux qui ont peu abandonné, qui ont peu laissé derrière eux. Or, Augustin fait remarquer que Pierre et ses compagnons n'ont pas nécessairement laissé derrière eux de grandes fortunes, mais qu'ils ont quand même sacrifié leur vie. Et puis, Augustin fait remarquer qu'il y a ce que nous appellerions, nous, des potentialités dans l'être humain, et que quelqu'un qui choisit la perfection chrétienne renonce à toutes les potentialités qu'il y avait dans une autre vie. Oui. Pélage témoigne d'un vif intérêt pour la visibilité des vertus. Oui, ça me paraît fondamental. Vous soulignez tout à l'heure la notion de spectacle. Voilà. Je crois que ça, c'est très important. Pélage pense que la perfection se voit. C'est quelqu'un qui est un peu sémiologue dans son approche du christianisme. Il y a pour lui une force de l'exemple. L'exemple, c'est ce qui se voit. Il y a pour lui des points de repère très nets, ce qu'il appelle à un moment species sanctitatis, donc des signes de sainteté qui sont parfaitement non ambigus, qui sont parfaitement clairs, alors que Augustin ne croit guère à ce que l'homme peut voir par ses propres yeux. Augustin proche en cela d'Ambroise de Milan, par exemple. Il y a une critique chrétienne, je dirais, de la visibilité et des apparences. Et Pélage, lui, fait confiance aux signes, fait confiance à l'apparaître de la vertu. Oui. Alors qu'Augustin, lui, s'intéresse à ce qui se passe dans le cœur. Oui, Augustin s'intéresse. Disons, Augustin distingue trois niveaux. Si on prend par exemple le début de la Cité de Dieu, le livre 1 de la Cité de Dieu, Augustin distingue ce que voient et pensent les hommes, ce que l'intéressé, l'individu voit dans son cœur, et puis à un niveau qui est le troisième et qui est encore supérieur, ce que Dieu lui-même sait de l'individu en question. Oui. Chez Pélage, quand même, il y a certaines hésitations. Je pense à cette phrase de lui que vous citez. Il faut surtout, fuyant l'humilité feinte, suivre la vraie, l'humilité que le Christ a enseignée, qui ne renferme pas d'orgueil. C'est un peu à l'inverse de la mentalité romaine. Oui, de toute façon, l'humilité n'est pas une vertu antique. Ce n'est pas une vertu de la tradition philosophique gréco-romaine, mais c'est devenu, et on le voit très bien chez Pélage, c'est devenu, au tournant des 4e et 5e siècles de l'ère chrétienne, une vertu qu'il peut être bon d'afficher. Parce que le christianisme commence à devenir chic, nous dirions. Il peut être à la mode, ou ça peut, disons, faire bien d'être chrétien ou d'être humble. Or, ce qui me frappe, c'est que Pélage voit comme critère sûr de l'humilité, le fait qu'on peut supporter les outrages. Donc là encore, c'est un acte extérieur, un acte visible pour autrui qui fait le critère de l'humilité. Et le critère de l'humilité n'est pas un critère intérieur, contrairement à ce qui se passe chez Augustin, ce qui c'est me paraît ça. Assez paradoxal. Oui. Alors, autre point que vous soulevez, Pélage aurait une propension à voir dans la réussite terrestre l'idée d'une bénédiction divine. Ce que l'on retrouve d'ailleurs dans la Bible, chez les Hébreux. Alors c'est l'un des courants. Disons que toute pensée religieuse essaie de d'interpréter le monde et d'interpréter le bien et le mal, soit comme une bénédiction divine, soit comme un châtiment divin. Et c'est un phénomène que le grand sociologue allemand Max Weber a regardé dans l'ensemble des religions, cela à la suite de toute l'école allemande d'histoire comparée des religions. Et Weber appelle ça la théodicée du bien, c'est de penser que dans le bien terrestre, dans la réussite, il y a l'indice d'une bénédiction divine. C'est un peu aussi chez les protestants un sentiment très répandu. C'est un sentiment que Weber voit dans certains courants de la tradition protestante, effectivement, avec aussi l'expression to make the best of both worlds, de réussir dans les deux mondes. Il me semble que justement réussir dans les deux mondes, c'est ce que Pélage très clairement, très explicitement propose à Démétriade, d'avoir à la fois la gloire auprès des hommes et puis la béatitude auprès de Dieu. Oui. Alors, Pélage croit pouvoir reconnaître les vrais chrétiens des faux et pense même prévisible la récompense des uns et le châtiment des autres. C'est ce qui apparaît dans beaucoup de textes de lui-même, assurément, et puis de son courant. C'est-à-dire que, là encore, nous sommes dans l'absence d'ambiguïté ou de contradiction. On peut prédire, d'une certaine manière, la béatitude est prédite à Démétriade d'une façon tout à fait claire. Et puis, c'est vrai que le reproche a été fait aux pélagiens, en quelque sorte, d'anticiper presque sur le jugement dernier. J'ai parlé moi-même d'une espèce d'eschatologie anticipée dans cette lettre à Démétriade. Il n'y a pas un réel caché, une profondeur cachée qui ne serait visible que de Dieu et qui se révélerait simplement au dernier jour. Il y a une espèce de continuité, apparemment heureuse pour ceux qui sont du bon côté, entre leur vie terrestre parfaitement vertueuse et puis une béatitude et une gloire céleste qui leur sont promises. Oui, vous citez un texte d'Augustin. Or Dieu agit ainsi avec patience, même à l'égard de ceux dont il sait qu'ils vont persévérer dans leur méchanceté. Il leur donne le temps de se repentir pour exercer notre patience et la modeler par son exemple, qui nous apprend combien nous devons supporter patiemment les méchants, nous qui ignorons quels hommes ils seront dans la suite, puisqu'il les épargne et leur permet de vivre, lui à qui rien n'est caché de l'avenir. Oui, c'est une grande question pour la génération d'Augustin et de Pélage. Bon, ce sont des hommes qui sont nés sans doute à peu près au même moment. Augustin est né en 354, Pélage est sans doute de ces années 350. Ce sont des gens qui, à la fin du 4e siècle, voient le christianisme devenir une religion à la mode, une religion qui peut aider même à faire carrière. Alors on voit beaucoup d'hypocrisie et on s'inquiète de ce que c'est que l'être chrétien, de ce que c'est que la vie chrétienne authentique. Et cela choque beaucoup de croyants. Nous en avons l'écho dans de nombreux textes d'Augustin. Or ici, Augustin essaie d'expliquer qu'il faut attendre que ce que les uns et les autres peuvent voir des uns et des autres dans le présent, cela peut changer. Et puis il y a tout ce qui est caché et il faudrait évidemment prendre garde à l'intérêt qu'Augustin a accordé à ce texte de l'Évangile selon Matthieu où au moment du jugement, un certain nombre de personnes se demandent demandent quand elles ont aidé le Fils de l'homme, quand elles sont, elles se sont rapprochées de Dieu. Elles l'ont fait sans même le savoir. Augustin le dit dans la Cité de Dieu, il y a dans le monde des amis de la Cité de Dieu qui sont encore inconnus à eux-mêmes. Oui. Vous citez cette formule d'Augustin, Dieu a de nombreux martyrs dans le secret. Alors ça, c'est encore, oui, c'est encore autre chose. C'est le fait des chrétiens qui sont capables de risquer leur vie, et cela dans le quotidien. Par exemple, paysan d'un niveau très modeste à qui son voisin, un grand propriétaire richissime et puissant, demande de faire un faux témoignage. Or, il y a là le risque parfois de violence, y compris de violences qui peuvent aller jusqu'à la mort, et Augustin explique que celui qui résiste dans ce cas-là pour ne pas porter un faux témoignage, celui-là est comme un martyr. Pourquoi ? Parce qu'il fait passer un commandement, hein, le refus du faux témoignage est bien évidemment dans le décalogue, et Augustin le rappelle, c'est celui qui fait passer ce martyr-là, ce martyr inconnu, c'est celui qui fait passer le commandement avant sa vie. Alors il ne se donne pas en spectacle comme les martyrs chrétiens de la grande époque des persécutions, il peut rester obscur, mais Augustin est très attentif à lui, et il est attentif à tous ceux qui pourraient se trouver dans le peuple chrétien à qui il parle, à tous ceux qui pourraient se trouver dans cette situation-là, qui pourraient être des martyrs potentiel ou un jour des martyrs inconnus. Oui. Alors, autre texte de Pélage que vous citez qui est très significatif. Allons, venons-en maintenant aux profondeurs de notre âme, que chacun se considère lui-même plus attentivement, que la conscience elle-même bonne donne son avis sur la bonté de notre nature. Laissons-nous instruire par notre esprit comme par un maître intérieur. N'apprenons tous les biens de notre intelligence d'aucune autre source que de notre intelligence elle-même. Oui, c'est un texte théorique pour le coup. Ça, ce n'est pas un texte uniquement de direction spirituelle. Disons, il prépare la direction spirituelle, mais il est théorique. Et il est très frappant pour nous parce que nous associons volontiers dans notre culture Augustin avec l'idée du maître intérieur. Seulement, le maître intérieur chez Augustin, c'est un autre. C'est un autre qu'Augustin lui-même. C'est un autre que l'individu. C'est Dieu, bien sûr. Or, ici, le maître intérieur, c'est cette conscience humaine qui est à la fois capable de connaître le bien à faire et de connaître le bien de la nature humaine, c'est-à-dire la possibilité qu'a la nature humaine d'accomplir le bien. Et là, je crois qu'on est tout à fait aux antipodes justement de cette dépendance de Dieu qu'Augustin met en avant. Ici, l'homme se connaît lui-même et se connaît dans toute sa capacité à accomplir le bien. Oui. D'ailleurs, Augustin répond, car si le pouvoir naturel émanant du libre arbitre suffit à l'homme à la fois pour savoir comment il doit vivre et pour bien vivre, c'est que le Christ est mort pour rien, c'en est donc fait du scandale de la croix. Oui, là nous avons la réaction la plus vive d'Augustin, qui est de dire, mais alors dans ce cas-là, et c'est très paulinien en même temps cette réflexion, dans ce cas-là, à quoi a servi la mort du Christ, à quoi a servi le scandale de la croix? Et justement, il y a un scandale chrétien, et dans la perspective pélagienne, la vertu chrétienne, et surtout la perfection chrétienne portée jusqu'au bout, n'est pas du tout un scandale pour les païens. La vertu chrétienne, la perfection chrétienne est intelligible aux païens, et là encore nous retrouvons cet univers un peu lisse Pélage, avec une capacité des païens à comprendre parfaitement les chrétiens et une capacité des chrétiens à réaliser une perfection qui ne leur vaudra de tous, chrétiens et païens, que des éloges. Alors, autre point que vous soulevez qui me semble très intéressant également, c'est que face à l'exaltation du mérite de Pélage, qui est quand même dur, qui est quand même sec, n'est-ce pas, cette exaltation à quelque chose d'un peu sérieux, d'un peu dur. Oui. C'est ça. Augustin, lui, au contraire, croit au plaisir même. Oui, absolument. À la douceur et au plaisir. À la douceur en particulier. Oui, il y a la délectation. Il y a la délectation, délectatio en latin, donc c'est assez proche de notre notion de plaisir, et puis il y a la douceur. Et là, je crois que c'est très important, parce qu'il faut se demander, quand on regarde ces maîtres chrétiens, hein, si on les prend comme des maîtres de vie, Pélage d'un côté, Augustin de l'autre, que propose-t-il comme satisfaction psychologique à ceux à qui il s'adresse? Eh bien, dans le cas de Pélage, je dirais qu'il y a la satisfaction très rationnelle de savoir que l'on fait le bien, et la satisfaction, je dirais, plus psychologique, de l'autosatisfaction. L'autosatisfaction, la bonne idée que l'on a, la grande idée que l'on a de soi. Et du côté d'Augustin, il y a le sentiment de la douceur divine. Et ça, c'est lié tout à fait à l'idée augustinienne de la grâce, qui est loin d'être une idée abstraite. Quelque part, Augustin dit, et je cite ce texte très bref, « La grâce est une bénédiction de douceur. La grâce, c'est ce qui fait que le commandement divin devient pour l'homme quelque chose de suave, quelque chose de doux, quelque chose qu'on a délectation à accomplir et non pas quelque chose que l'on s'impose avec les sourcils froncés et quelques regrets dans le cœur. » Dans son ouvrage sur la nature, Pélage dédigne l'orgueil comme principe de tout péché. Et Augustin n'est pas du tout d'accord. Alors, ils sont très proches sur un point, parce que là, ils sont pauliniens de toute façon. C'est que c'est l'orgueil qui est à la racine de tout. Simplement, la pensée d'Augustin est ici beaucoup plus subtile. Il pratique des distinctions. L'idée que dans tout péché, il y aurait de l'orgueil. Ça, c'est la perspective pélagienne. Donc, s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'orgueil. Or, Augustin dit, il y a des péchés qui sont sans orgueil. Et puis, il y a l'orgueil, dit Augustin, qui se glisse dans la satisfaction de faire le bien et qui même se glisse dans le refus de la satisfaction de faire le bien. Donc, pour Augustin, la seule solution, c'est toujours l'action de grâce. C'est de se tourner vers Dieu comme celui qui est la source du bien que l'on a soi-même accompli ou que l'on croit avoir soi-même accompli. Autre divergence pour Pélage, le baptême doit marquer une rupture définitive avec le passé. Oui, mais c'est un sentiment qui est très partagé dans l'Antiquité chrétienne. À preuve, l'idée qu'il faut se faire baptiser le plus tard possible. Oui. Il y a un passage des Confessions où Augustin dit qu'il entend dire autour de lui, à propos de quelqu'un qui commet des péchés, « Oh, laissez-le faire, de toute façon, il n'est pas encore baptisé. » Alors, il y aura un prix de gros, en quelque sorte, pour tous les péchés de l'existence. Pour Pélage, il faut être baptisé et il faut absolument changer de vie. Et là, je crois qu'il manque à Pélage la distinction qu'Augustin souligne entre crimen et peccatum. Il y a vraiment le péché grave, le péché public, l'adultère, le meurtre. Et puis, il y a les petits péchés que l'on commet jour après jour. Et cela, dit Augustin, on s'en débarrasse guère et on doit toujours progresser. Donc la rupture, pour Augustin, est on ne peut plus souhaitable. Le baptême représente bien une étape considérable. Mais c'est vrai que Augustin ne s'imagine pas qu'on peut, à la seule force de la volonté, changer complètement de vie. Oui. Il estime que la vie du chrétien est faite de bien et de mal, d'avancée, de régression. Oui, avec toujours une aide divine qui permet de rebondir en quelque sorte, d'avancer de nouveau. Et puis surtout, il se méfie de tout ce que l'autosatisfaction peut avoir de destructeur pour la vie chrétienne. C'est-à-dire que cesser de trembler un peu, de craindre son propre péché, c'est une manière en quelque sorte de se scléroser dans l'autosatisfaction. Oui. Alors, vous écrivez du point de vue d'une histoire psychologique, la religiosité d'Augustin s'oppose à celle de Pélage comme un christianisme anxieux et un christianisme sûr de soi. Oui, je crois que c'est vrai. Disons que ça ne prétend pas résumer toute la pensée de Pélage ni toute la pensée d'Augustin, c'est justement du point de vue psychologique. Disons que la psychologie du chrétien pélagien et la psychologie du chrétien, si nous voulons, augustinien, ne sont pas la même. C'est pas la même attitude à l'égard de la vie, c'est pas la même attitude à l'égard du quotidien. Le pélagien avance sur de lui et Augustin nous présente une vie chrétienne qui est comme un navire qu'il faut sans cesse écoper, il faut sans cesse vider de l'eau qui s'introduit à travers des fissures de la coque. Oui. Encore une citation de Pélage, « Les gens avisés doivent toujours rechercher ce qu'il y a de meilleur et de plus parfait, car ils ont appris dans les affaires temporelles et périssables à ne pas se contenter de la médiocrité. » Oui, ça c'est très fort, parce que Pélage ne s'adresse pas à n'importe qui dans la société. Du coup, il propose à des gens qui ont la conscience aiguë de leur excellence sociale, une excellence religieuse qui soit proportionnelle à leur excellence sociale. Et c'est là, je crois, que l'on retrouve ce dont l'historiographie a souvent parlé, à savoir l'élitisme de Pélage et le fait qu'il développe un christianisme assez marqué par un caractère aristocratique. Oui, et cette tendance à mépriser les masses est encore plus nette, plus visible chez Julien Desclanes et puis ceux qui ont qui ont défendu les idées de Pélage. Oui, c'est très net. Alors Julien est assez différent. Donc Julien Desclanes, on peut dire que c'est la seconde grande personnalité du courant pélagien, ou disons c'est le second grand anti-augustinien et le dernier, sans doute le plus redoutable adversaire d'Augustin. Et c'est vrai, chez Julien Desclanes, qui est très fier de ses propres origines, très fier de son rang dans la société comme de son épiscopat, il y a un certain mépris, et même un mépris affiché pour les foules chrétiennes, notamment parce qu'elles sont du côté d'Augustin, et puis parce qu'elles n'entrent pas dans les distinctions subtiles et plutôt philosophiques, souvent que théologiques, auxquelles lui-même se livre. Et vous écrivez: dans l'état actuel de la documentation, nous ne trouvons dans le mouvement pélagien aucune tendance incontestablement sociale, aucune volonté manifeste de redistribuer globalement les richesses. Alors c'est un problème qui s'est posé. C'est-à-dire que le problème a été posé par différents auteurs de savoir quel avait été le caractère social du mouvement pélagien. Parce qu'effectivement, nous avons des textes qui sont considérés comme, sinon du mouvement pélagien, du moins proche dans cette mouvance-là, avec cette même volonté de perfection et d'identité chrétienne très visible, nous avons des textes très polémiques contre les richesses. Et j'ai rappelé, après d'autres auteurs qui l'avaient fait bien avant moi, que cette manière de parler des richesses n'est pas typiquement pélagienne et qu'après tout, ça ne va pas très loin. Ça représente plus un besoin de perfection pour l'individu de haut rang, plutôt qu'une tendresse ou une générosité particulière pour les couche populaire. Autre point qui m'a beaucoup intéressé dans votre livre, vous écrivez: à cela s'ajoute le fait que, d'une manière tout à fait paradoxale, la diffusion du monachisme contribue alors, dans certains esprits, au brouillage de l'identité chrétienne. Les ascètes offrent aux croyants les plus convaincus un exemple à suivre, aux plus tièdes, au contraire, un prétexte pour ne pas s'améliorer, dans la logique d'une sorte de répartition des rôles ou de partage des tâches. Oui, c'est un problème très concret et très grave de la conception même de la vie chrétienne à l'intérieur d'un peuple où existent différents choix dans l'existence. Or, pour Augustin, la distinction est claire. Il y a des commandements et il y a des conseils. La distinction apparaît avec une parfaite netteté. Donc le peuple chrétien se définit par le respect des commandements, et ça, ce n'est pas une solution de facilité, et en même temps par la confession de foi. Maintenant, ceux qui vont vers la perfection font là un choix qui est éminemment louable, mais qui n'est pas imposé à tout un chacun. Or, le fait que certains aillent vers la perfection, dans une autre perspective, pour certains chrétiens de l'époque, c'est une façon de se dire, eh bien voilà, je ne suis pas un moine, je ne suis pas un clerc, donc moi j'ai besoin de faire ce que je peux et je ne peux pas grand-chose. Il y a effectivement une manière dont la perfection est mise en évidence pour mieux excuser ceux qui n'ont pas cette perfection. Et il est important que Pélage ait réagi contre cela. Pélage veut, lui, considérer que la perfection existe et qu'elle est une exigence réelle, quotidienne pour le chrétien. Oui. Alors à cela, Augustin répond: et s'il y en a quelques-uns qui, en vivant, non pas charnellement, mais spirituellement, se rendent dignes de la récompense à venir, comment croire que tous ne puissent pas être ce que certains sont ? Oui, parce que il y a, de toute façon, pour Augustin, aussi bien sous le signe du péché que dans la perspective de la perfection, il y a l'idée d'une unité du genre humain. Le genre humain est perverti par le péché d'Adam parce qu'il a une unité tout à fait concrète, pour ainsi dire charnelle, et il est porté par le Christ en tant que le Christ a réalisé la perfection en lui-même avec son corps humain, avec toute sa vie humaine. Donc il y a l'idée que ce qui est possible à un homme avec la grâce de Dieu l'est aussi à d'autres hommes. Oui. Alors Julien Desclanes va encore beaucoup plus loin que Pélage, puisqu'il dit que la sottise est la mère de tous les vices. Mais Julien a tendance à accentuer l'aspect de connaissance. Hein. C'est-à-dire que il y a deux manières, hein, d'argumenter dans une controverse théologique. On peut dire à l'adversaire qu'il ne respecte pas la tradition, qu'il est hérétique, qu'il trahit un reçu, qu'il trahit ce qui a été donné, ce qui a été reçu. Mais on peut aussi lui dire qu'il est un imbécile. Julien Desclanes choisit la seconde solution, c'est-à-dire qui consiste essentiellement à dire à Augustin que son argumentation n'est pas de bon niveau intellectuel, culturelle et qu'il s'appuie de toute manière sur certaines parties du clergé, sur un peuple chrétien qui ne savent pas grand-chose. Oui. Bon, il y aurait beaucoup d'autres points de désaccord entre Augustin et les pélagiens que vous soulignez dans votre livre, Jean-Marie Salamito, dont je rappelle le titre, Les virtuoses et la multitude, aspects sociaux de la controverse entre Augustin et les pélagiens, paru aux éditions Jérôme Millon. Je vous remercie, comme je remercie Brigitte Mazire, qui a réalisé cette émission de foi et tradition des chrétiens orientaux.